إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons entamer inshallah tabaraka wa ta'ala comme d'une transition par rapport au cours précédent l'histoire de Daoud alayhi salatu wa salam. Nous avions cité dans le cours précédent que Talut, le roi des enfants d'Israël à cette époque, mena une guerre contre les Philistins, contre l'armée de Jalut, Goliath. Et parmi ceux qui fit preuve de bravoure et de détermination parmi les combattants de Talut, fut Daoud alayhi salat wa salam, et d'ailleurs c'est lui qui tua Jalut, comme Allah le dit tabarak wa ta'ala, wa qatala Daoud Jalut, et Daoud tua Jalut. Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. C'était là une preuve de courage de Daoud qui tua Jalut en humiliant les armées de ce dernier. Et comme l'a dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabarak wa ta'ala, il n'est de plus grande bataille que celle où le roi des ennemis est tué, où un butin considérable est pris, où les plus valeureux guerriers de l'ennemi sont emprisonnés, où la parole de la foi prend le dessus sur les idoles, où les alliés d'Allah prennent le dessus sur ses ennemis, et où la religion de la vérité l'emporte sur le faux et ses partisans. Alors, qui est Daoud alayhi salat wa salam? L'imam Ibn Kathir rahimahullah tabarak wa ta'ala va introduire le récit de Daoud en citant ses mérites, ses caractéristiques et les signes de la prophétie. Il nous dit qu'il est Daoud ibn Isha, ibn Uwayd, ibn Abir, ibn Salmun, ibn Nahshun, ibn Uwaynadab, ibn Iram, ibn Hasarun, ibn Faras, ibn Yahuda, ibn Ya'qub. C'est-à-dire qu'on peut compter 11 générations entre lui et Ya'qub alayhi salat wa salam. Donc c'est un descendant de la tribu de Yahuda. C'est un serviteur, un prophète et un calife d'Allah dans la terre de Beit al-Maqdis en Palestine actuelle. Nous avons rappelé que lorsqu'il tua Jalut, les enfants d'Israël lui portèrent de la considération et penchèrent vers lui et son pouvoir sur eux. Il arriva à Talut ce qui lui arriva et le pouvoir revint tout entier à Daoud alayhi salat wa salam. C'est-à-dire que Talut fut destitué et Daoud fut nommé roi des enfants d'Israël. D'ailleurs, c'est un des premiers rois, si ce n'est le premier, du royaume d'Israël unifié. Allah tabaraka wa ta'ala réunit pour lui la royauté et la prophétie, ainsi que les biens de ce monde et ceux de l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala réunit pour lui la royauté et la prophétie, c'est-à-dire les biens de ce bas monde et ceux de l'au-delà. Alors qu'avant lui, la royauté revenait à une tribu et la prophétie à une autre. Mais Daoud réunit lui les deux bienfaits. C'est pourquoi Allah dit tabaraka wa ta'ala wa qatala Daoud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal-hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Et Daoud tua Jalut et lui donna la royauté et la sagesse. La sagesse ici signifie bien sûr la révélation, la prophétie, la science. L'ilm, et lui enseigna ce qu'il voulut. Wahb ibn Munabbih, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, les gens penchèrent vers Daoud à tel point que Talut n'était plus mentionné ou évoqué. ils le destituèrent et choisirent comme roi Daoud, alayhi salam. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, rappela que la majorité des historiens considèrent que Daoud fut nommé roi juste après la mort de Jalut. Allah nous dit, tabarak wa ta'ala, en reprenant ce verset de la sourate 2, verset 251, ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Et si Allah ne protégeait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah accorde ses faveurs au monde. C'est-à-dire que si Allah n'avait pas établi des rois pour diriger les puissants auraient mangé les faibles. Et le commandeur des croyants, Uthman ibn Affan, il a été aussi dit que cette parole est attribuée à Omar ibn Khattab. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, a dit « Allah empêche par le pouvoir ce qu'il n'empêche pas par le Coran. » C'est-à-dire qu'Allah empêche les gens de commettre la corruption sur terre par le biais de l'autorité, des rois, des gouverneurs, plus qu'il ne l'empêche par le biais du Coran. Car la plupart des gens s'interdisent de commettre l'interdit et de dépasser les limites par peur des représailles de leurs dirigeants et de leurs rois. Et non pas par peur des menaces divines citées dans le Coran. Et cela en regard de leur mécréance. Tout simplement par le fait qu'ils ne croient pas au Coran. Du fait de leur athéisme ou alors de la faiblesse de leur foi s'ils sont croyants. Il ne se rectifie que très rarement face aux menaces divines. Par contre, les menaces des gouverneurs, des rois, ils y prêtent une attention toute particulière et ils se rectifient par rapport à cela. Allah empêche par le pouvoir ce qu'il n'empêche pas par le Coran. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا Sourate 34, versets 10 et 11. Nous avons certes accordé à Daoud une grâce immense de notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui gloire et pureté à Allah, ou glorifiez et célébrez la louange et la grandeur d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et nous fîmes se ramollir le fer entre ses mains. Notre conseil fut le suivant, fabrique des cottes de mailles et ajuste le maillage. Agissez en bien, je vois parfaitement vos actes. La grâce qui est citée ici, lorsqu'Allah dit tabarak wa ta'ala, wa laqad atayna Daoud minna fadla, nous avons certes accordé une grâce immense de notre part. Cet adjectif de immense est sous-entendu par le fait que le terme en arabe est sous sa forme indéfinie, qui signifie la grandeur, at-tarzim, fadlan. De même, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu spécifier que cette grâce émane de lui spécifiquement. C'est pour ça qu'il dit « minna » venant de nous ou de notre part. Cette grâce citée ici est la prophétie. Le Zabour, le livre qu'a reçu Daoud alayhi salam, sa belle voix, la royauté, l'excellente gérance des intérêts de son peuple, ses jugements justes et équitables, son courage, ses nombreux bienfaits, du fait qu'il vivait du fruit de son travail, autant de bienfaits qui peuvent être compris dans cette parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous avons certes accordé à Daoud une grâce immense de notre part. Mais en premier lieu, la plus grande des grâces dont Allah a fait part à son serviteur Daoud est la prophétie. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans un autre verset, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ Sourate 21, verset 79-80. Nous avons soumis les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de Daoud, ainsi que les oiseaux, qui eux aussi exaltent la gloire d'Allah avec Daoud. C'est nous qui avons tout fait. nous lui avons appris la fabrication des cottes de maille, afin qu'elle vous protège contre les blessures. Êtes-vous donc reconnaissant? Allah tabaraka wa ta'ala lui a appris à fabriquer des cottes de maille en fer, afin que les combattants puissent se protéger des ennemis. Il lui inspira aussi la manière de procéder et ajuste le maillage, c'est-à-dire que les rivets qui maintiennent les mailles de fer ne soient ni trop fins, si bien qu'ils passent entre les mailles, et n'effectuent pas leur fonction de maintien, et ni trop épais, si bien qu'ils ne peuvent s'introduire dans les mailles. Ainsi que l'ont expliqué Mujahid, Qatada, Al-Hakam, Ikrima et d'autres. L'imam Hassan al-Basri, ainsi que l'imam Qatada ou Al-A'mash ont dit « Allah ramollit pour lui le fer au point qu'il pouvait le tordre avec sa main sans avoir besoin de feu ou de marteau. » Il pouvait tordre les mailles de fer comme on tord de la pâte à modeler ou autre. L'imam Qatada a dit « Il fut le premier à fabriquer des cottes de mailles en fer. Avant lui, on utilisait des cuirasses faites de feuilles de métal. » D'ailleurs, Ibn Shawzab a dit « Il fabriquait chaque jour une cotte de maille qu'il vendait 6000 dirhams. Et on rapporte dans un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 2072 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Daoud alayhi salat wa salam et le fait qu'il confectionnait les cottes de maille, la meilleure nourriture est celle que l'homme gagne de ses mains. Et le prophète d'Allah Daoud vivait du travail de ses mains, c'est-à-dire qu'il gagnait sa vie par la fabrication et la confection des cottes de maille pour les combattants. Il est à souligner dans les versets coraniques que nous avons cités qu'à chaque fois qu'Allah rappelle ses bienfaits sur Daoud et notamment le fait qu'il faisait ce que personne d'autre ne pouvait faire, à savoir fabriquer les cottes de maille en fer, il lui demande de lui être reconnaissant et notamment par l'accomplissement des œuvres vertueuses. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَنْ يَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. Après tous ces bienfaits cités par Allah, Allah lui dit وَأَعْمَلُوا صَالِحًا. Agissez en bien. Agissez en bien. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Je vois parfaitement ce que vous faites. De même, dans un verset un peu plus loin, dans la même sourate, Allah dit tabaraka wa ta'ala, après avoir cité ses bienfaits sur Suleyman, Allah dit en conclusion, Ya'malu ala Daoud shukra, wa qalilum min ibadi ash-shakur. Agissez, ô famille de Daoud, en toute reconnaissance, et peu de mes serviteurs sont très reconnaissants. قال الله تبارك وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Sourate 38 verset 17 à 20. Et rappelle-toi Daoud, notre serviteur doué de force et plein de repentir. Nous soumîmes les montagnes qui glorifient Allah avec lui soir et matin, de même que les oiseaux assemblés en masse, lui obéissant tous. Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger, c'est-à-dire le pouvoir religieux et le pouvoir temporel. Ibn Abbas et Mujahid ont dit que la force ici se trouvait dans l'adoration et les bonnes œuvres. Rappelle-toi Daoud, notre serviteur doué de force et plein de repentir. Doué de force, c'est-à-dire qu'il trouvait cette force pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala et accomplir des œuvres salutaires et vertueuses. Pour l'imam Qatada, on l'a doté de force dans l'adoration et la compréhension de la religion. On nous a rapporté qu'il veillait la nuit en prière et jeûnait un jour sur deux. Et on rapporte cela dans les deux sahihs, sahih de l'imam al-Bukhari wa muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, qala qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu siyami ila Allahi siyamu Daoud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, wa ahabbu salati ila Allahi salatu Daoud, kana yanamu nisfa al-layl, wa yakumu thuluthahu, wa yanamu sudusah. Un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3420. La meilleure prière pour Allah est celle de Daoud, et le meilleur jeûne auprès d'Allah est celui de Daoud. Il dormait la première moitié de la nuit, veillait en prière pendant un tiers avant de dormir le sixième restant. Et il jeûnait un jour et mangeait un jour. Alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala dit: nous soumîmes les montagnes qui glorifient Allah avec lui soir et matin, de même que les oiseaux assemblés en masse lui obéissant tous. Et aussi, ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges, c'est-à-dire gloire et pureté à Allah, tasbih. Louez Allah avec lui, comme l'ont dit Ibn Abbas et Mujahid en explication de ce verset. Nous soumîmes les montagnes qui glorifient Allah avec lui soir et matin, c'est-à-dire au début du jour et à sa fin. Allah l'avait doté d'une voix unique, qu'il n'accorda à aucun autre, si bien que, lorsqu'elle récitait son livre, Az-Zabur, les oiseaux restaient suspendus dans les airs et répétaient et glorifiaient Allah avec lui. De même pour les montagnes qui lui répondaient et louaient Allah avec lui à chaque fois qu'il le glorifiait matin et soir. L'imam Abd al-Razzaq rapporte dans son Musannaf, d'après Ibn Jurayj, qui a dit: j'ai interrogé Atta Ibn Rabah sur le fait de réciter avec mélodie. Et il répondit: quel mal il y a dans cela? Et il répondit: quel mal y a-t-il en cela? J'ai entendu Ubayd ibn Omar dire que Daoud alayhi salam frappait sur un tambour et récitait, et qu'on lui répondait, c'est-à-dire qu'il pleurait et faisait pleurer. Vous pouvez retrouver ce athar dans le Musannaf de l'imam Abd al-Razzaq sur le numéro 4165. D'ailleurs, l'imam Ahmad a rapporté d'après Aïcha, radiallahu anha, قالت, سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. L'imam Ahmed rapporte dans son Mousnad sur le numéro 25980. Et entre parenthèses, c'est un hadith qui est authentifié par Cheikhouna al-Albani. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entendit la voix de Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, compagnon connu, lorsqu'il récitait. Et il dit: on a donné à Abu Musa une voix semblable à celle de la famille de Daoud, c'est-à-dire une voix mélodieuse, une voix prenante, semblable à celle de la famille de Daoud, une belle voix. Nous avons également rapporté les propos de Abu Uthman al-Nahdi qui a dit: j'ai entendu le son du luth et celui de la flûte, mais je n'ai jamais entendu de voix plus belle que celle de Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Et en plus de cette voix mélodieuse que possédait Daoud alayhi salam, il lisait rapidement son livre, Az-Zabur. Ainsi, l'imam Ahmad rapportait, d'après Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi salam a dit: خُفِّفَ عَلَى دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed, mais vous pouvez aussi le trouver sous cette forme-là et sous cette version-là dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 3417. On a rendu facile à Daoud la récitation. Ici, le terme de Qur'an renvoie à la récitation du Zabur. Ainsi, il ordonnait qu'on scelle ses montures et il récitait le Zabur avant que cela soit terminé. Et il vivait du travail de ses mains. Comme l'a dit l'imam Ibn Kathir, dans ce hadith, le terme de Qur'an désigne Az-Zabur qu'Allah a fait descendre sur lui et lui a révélé. Ainsi, il récitait Az-Zabur le temps qu'on scelle ses montures, ce qui est rapide, tout en le méditant et en le psalmodiant d'une voix mélodieuse et avec recueillement. Qu'Allah fasse ses éloges et le salue. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا, Sourate 4, verset 163. Et nous avons donné à Daoud Az-Zabur. Le Zabur est un livre célèbre qui contient des louanges des demandes et de l'imploration du pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et des formules de repentir. L'imam Ibn Kathir a dit que ce livre-là est un livre connu. Et nous avons rapporté dans le tafsir, dans l'explication du Coran, qu'il fut révélé lors du mois de Ramadan. Il contient des exhortations et des sagesses connues pour quiconque le consulte. L'imam al-Bayhaqi rapporte dans As-Sunan al-Kubra, sous le numéro 18721, ce hadith. An Wathilat ibn al-Asqar. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal. Nazalat suhufu Ibrahim awwala laylatin min Ramadan. Wa unzilat al-Tawrat li sittin madayna min Ramadan. Wa unzilat al-Injil li thalatha asharata khalat min Ramadan. Wa unzilat al-Zabur li thamani asharata khalat min Ramadan. والقرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. Les feuilles d'Ibrahim ont été révélées la première nuit de Ramadan, la Torah après 6 jours, l'Évangile après 13 nuits, les psaumes après 18 nuits et le Coran après 24 nuits. Ce hadith-là a été rendu bon par Cheikhoun al-Albani dans As-Silsilatu Sahiha sous le numéro 1575. Voici quelques bribes des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a octroyé sur cet homme, sur ce grand homme et ce grand prophète qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi. Et quelques bribes aussi de ses caractéristiques morales et religieuses. Ce fut un grand adorateur d'Allah tabaraka wa ta'ala à la hauteur de sa mission prophétique. Nous verrons la semaine prochaine, inshallah tabaraka wa ta'ala, la suite de sa vie en citant quelques bribes de sa royauté et quelques épisodes de sa vie qui ont été relatés dans le Coran et dans lesquels on trouve plusieurs sagesses et leçons à tirer. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.